fait longtemps, ça fait 10 ans que je rame, que je pagaille, que j'avance en avant. Savais-tu que le coup du cheval en bois, c'était moi, te souviens-tu de toi? À faire gagner, à faire classer, je vais rejoindre Pénélope. Nous avons fait la guerre, avons déjoué la mer pour la plus belle femme du monde, celle qu'on appelle Hélène la Blonde. Mais moi je m'en fous, car moi j'ai ma Pénélope. J'étais l'idée de nous retrouver. J'étais confiant en mon avenir, mais voilà que ça se déchaîne. Ça gêne comme le chant des sirènes. Le seul et unique visage, celui de ma Pénélope. Dans la tempête, je garde le cap. Avons fait le party.